طيب إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc aujourd'hui on commence le cours numéro 19 dans l'explication de la aqidah de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et également avec le charh du Cheikh Saleh Al-Fawzan. La partie de la aqidah de l'imam qu'on va étudier aujourd'hui, c'est lorsqu'il dit والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. C'est-à-dire, le chef il dit que le jihad, on en a parlé hier, on a expliqué les conditions et les règles, il a dit le jihad, il reste valable jusqu'à la fin des temps, et il va être applicable jusqu'à la fin des temps. Non, c'est pas grave. Le chef il dit donc que le jihad va demeurer valable, il va être applicable jusqu'à la fin des temps. À partir du moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, jusqu'à ce que les derniers musulmans de cette Ummah vont combattre le Dajjal. Hein? Et il n'y a rien qui peut l'annuler, le jihad. Il n'y a rien qui peut l'arrêter ou qui peut l'annuler. C'est-à-dire ni l'injustice de l'injuste, ni la justice du juste. C'est-à-dire il n'y a rien qui peut, il n'y a personne qui a le droit d'annuler ou d'abolir le jihad. D'accord? Maintenant, on va lire l'explication de ça. الشيخ الذي الدجال هو المسيح الدجال الكذاب، سمي بالدجال لكثرة الدجل عنده والكذب وما عنده من الفتنة الشديدة، وكل نبي حذر أمته فتنة المسيح الدجال، وأشدهم تحذيرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرب الناس إلى خروجه، وهو يخرج في آخر الزمان، يخرج في اليهود وتجمع اليهود في فلسطين الآن، وتجمع اليهود في فلسطين الآن هذا إرهاص لخروج الدجال، لأنه يخرج في اليهود قبحهم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. donc le chef dit que le Dajjal c'est le Messie Ad-Dajjal, celui qu'on traduit en français, que les chrétiens appellent l'Antéchrist. Okay? Et c'est le grand menteur qui va venir à la fin des temps. On l'appelle le Dajjal parce qu'il amène beaucoup de mensonges avec lui, et beaucoup de mal, et des grandes tentations, et des tribulations, et des grands problèmes avec lui. Donc, le Cheikh il dit que tous les messagers, tous les prophètes ont averti leur nation, ont averti leur peuple, au sujet du Dajjal. Mais celui qui a averti le plus contre le Dajjal, c'est notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le dernier messager avant la fin des temps. Et donc, il est plus près de la venue du Dajjal que les autres qui sont venus auparavant. Et donc, il a averti les gens contre sa fitna plus que les autres prophètes qui sont venus auparavant. Et parce que لأنه أقرب الناس إلى خروجه وهو يخرج في آخر الزمان. Pourquoi? Parce que c'est la personne la plus proche avant sa sortie, et il va sortir vers la fin des temps. et il va sortir parmi les Juifs. Le Dajjal, il va sortir parmi les Juifs. Et le Cheikh, il dit que le fait que les Juifs se rassemblent aujourd'hui en Palestine, ça c'est une indication de la sortie du Dajjal, qu'il va venir bientôt, parce que le Dajjal va sortir parmi eux. Qu'Allah les maudisse. Le Cheikh, il dit, qabbahahumullah. Qu'Allah les maudisse. Donc le Cheikh, il dit, ويحصل منه فتنة عظيمة ويدور في البلاد وما من بلد إلا يدخله إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما ولكن الأشرار الذين في مكة والمدينة يخرجون إليه ولا يبقى فيهما إلا أهل الإيمان لأن المدينة إذا جاء الدجال ترجف فيخرج منها كل منافق ولا يبقى فيها إلا أهل الإيمان الصادق. Le Cheikh il dit, et il va y avoir une grande épreuve, une grande fitna à cause du Dajjal dans le pays, dans tous les pays, parce que le Dajjal il va se promener d'un pays à l'autre, comme on a expliqué déjà dans les cours passés, on a parlé du Dajjal. Hein? Et le Cheikh il dit, il va rentrer partout, sauf qu'il ne va pas rentrer dans la Mecque et à la Mecque et à Médine. Le Dajjal il ne rentre pas à la Mecque et à Médine. Il ne peut pas rentrer. Sauf que les gens qui sont mauvais et qui vivent à la Mecque et à Médine, ils vont tous quitter. Ils vont tous sortir pour aller le rejoindre. Lui, il ne peut pas rentrer, mais eux, ils vont sortir. Excepté les gens de la foi. Les gens de la foi vont rester à Médine. Parce que Médine, lorsque le Dajjal va venir, la terre va trembler. Hein? La terre va trembler et tous les hypocrites vont sortir de Médine. Il va rester uniquement les gens qui ont la foi sincère dans leur cœur. Et vous voyez que, par exemple, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il y a un hadith également qui mentionne le fait que il va voir, hein, quand il va arriver jusqu'à une montagne qui est près de Médine, puis il va voir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam au loin. Il va dire, regardez ce palais là-bas. Hein? Et donc ça c'est une indication qu'il va venir près mais il ne pourra pas rentrer. Le Cheikh ensuite il dit ثم ينزل عيسى ابن مريم مسيح الهداية مسيح الهداية صلى الله عليه وسلم ينزل من السماء ثم يطلب الدجال فيقتله في باب لد في فلسطين يقتله وينصر الله الإسلام والمسلمين ويحكم المسيح ابن مريم بدين الإسلام بدين محمد صلى الله عليه وسلم ويقوى الإسلام في عهده عليه الصلاة والسلام ثم بينما هم كذلك إذ ظهرت يأجوج ومأجوج الذين ذكر الله عز وجل فيأمر الله عيسى أن يحرز المسلمين إلى الطور ويقول إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد في قتالهم فحرز عبادي إلى الطور فيعيثون في الأرض فسادا ويذبحون في المسلمين مذابح ثم ينزل الله بهم المرض فيقتلهم عن آخرهم ويموتون عن آخرهم فيفرج الله للمسلمين بذلك هذه قصة خروج الدجال باختصار فنحن نؤمن بخروج المسيح الدجال le Cheikh il dit et puis ensuite il y a Jésus qui va descendre qui est le Messie de la guidance il va descendre du ciel et puis il va chercher le Dajjal et puis il va le tuer il va tuer le Dajjal à un endroit qui s'appelle Bab Lut la porte de Lut en Palestine et il va le tuer et Allah subhanahu wa ta'ala va donner la victoire à l'islam et aux musulmans et le Messie Isa ibn Maryam il va juger selon l'islam et par la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et donc à son époque alayhi salatu wa sallam l'islam va devenir fort et thumma baynama hum kadhalik donc à ce moment là il va sortir Ya'juj et Ma'juj Ya'juj et Ma'juj sont un peuple qui vont sortir que Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir à ce moment là et ils sont mentionnés dans le Coran, dans Surat Al-Kahf. Okay? Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux musulmans d'aller se réfugier sur une montagne qu'on appelle At-Tur, okay? Avec Isa, alayhi salam. Donc eux, ils vont partir et Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, je vais faire sortir des serviteurs, de mes serviteurs, vous ne pouvez pas les affronter. Vous n'êtes pas capable de les affronter. Alors, allez vous réfugier, hein, vous ne pouvez pas les combattre, allez vous réfugier sur toi et mes serviteurs, allez vous réfugier sur At-Tur. Et ça, c'est rapporté par Muslim dans son Sahih, selon An-Nawas ibn Sam'an. Donc, à ce moment-là, les Ya'juj et Ma'juj, ils vont passer sur la terre et ils vont faire beaucoup de désordre. Et ils vont massacrer et tuer et égorger plein de musulmans. Puis, Allah va faire descendre sur eux une maladie, hein, comme un genre de ver ou un genre de maladie qui va tomber sur, qui va sortir dans leur cou ou quelque chose comme ça. Puis, ça va les, qui va sortir derrière leur nuque, qui va les tuer. Qui va les tuer jusqu'au dernier. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus un seul qui va rester en vie, ils vont tous mourir. Hein? Et donc, après, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Allah, par la suite, donc, à cause de ça, hein, il y a l'histoire qui est mentionnée dans le hadith, justement, qu'ils vont sortir. Il y a un des serviteurs qui va sortir, hein, il va avoir peur, mais il va aller sortir pour voir qu'est-ce qui est arrivé. Il va voir qu'ils sont tous morts par terre. Puis Allah, par la suite, va faire tomber une pluie. Il y a aussi une mention du fait qu'ils vont être tellement nombreux, ces gens-là, Ya'juj wa Ma'juj, que lorsqu'ils arrivent, oui, c'est des êtres humains, Wallahu a'lam, c'est des êtres humains, quand ils arrivent auprès d'une rivière, le premier, il arrive, puis quand le dernier est passé, ça y est, il n'y a plus d'eau à cet endroit-là. Les gens vont dire, il y avait une rivière à cet endroit-là. Donc le cheikh, il dit, فَنَحْنُ نُؤْمِنُ. Donc nous, on doit croire en tout ça, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a dit. Ça, c'est l'histoire de la sortie du Dajjal, en résumé. Et nous, on croit en la sortie du Messie al-Dajjal, on croit qu'il va venir. Ensuite, il dit, وَهُنَاكَ كُتَّابُ جُهَالِ يَقُولُونَ لَا يُوجَدْ دَجَّالِ إِنَّمَا هَذَا عِبَارَةٌ عَنْ كَثْرَةِ الْكَذِبِ فِي آخِرِ الْأَزَّمَانِ وَلَيْسَ هُنَاكَ نُزُولُ عِيسَى وَإِنَّمَا هَذَا عِبَارَةٌ عَنْ ظُهُورِ الْحَقِّ وهذا إنكار للمتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إن القرآن دل على نزول عيسى عليه السلام قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته هذا دليل على أنه ينزل في آخر الزمان واليهود الذين كفروا به في الأول يؤمنون به وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وفي الآية الأخرى قال في عيسى وإنه لعلم للساعة ويعني أي أن نزوله في آخر الزمان علامة على قرب قيام الساعة وفي قراءة وإنه لعلم للساعة فنزول عيسى ابن مريم من السماء علامة على قرب قيام الساعة فهو من علامات الساعة وأشراطها. Le cheikh, il dit qu'il y a certains auteurs aujourd'hui qui écrivent au sujet de l'islam et au sujet du Dajjal, et eux, ils expliquent ou ils essaient de nier la réalité du Dajjal. Ils disent le Dajjal, c'est pas un être humain qui va venir, c'est juste qu'à la fin des temps, il va y avoir beaucoup de mensonges. Donc, ils essaient d'interpréter le Dajjal par ça. Ils disent non, le Dajjal, c'est pas un être humain, c'est pas une personne qui va venir. C'est juste qu'il y aura beaucoup de mensonges à la fin des temps. Puis, il y en a qui interprètent ça comme ça. Il y en a qui interprètent aussi que le Dajjal c'est un système, puis toutes sortes de trucs comme ça. Ils disent c'est pas un homme qui va venir. Et il y en a, le cheikh il dit, et il y en a aussi qui disent que Isa va pas descendre également. Que, en réalité, c'est juste pour dire que la vérité va avoir le dessus sur le mensonge. Hein. Donc, le cheikh il dit ça, c'est une négation de qu'est-ce qui a été rapporté de façon mutawatir, c'est-à-dire par un grand nombre de personnes. Il y a beaucoup de preuves à ce sujet-là dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et donc de nier cette réalité-là du Dajjal et de Isa ibn Maryam qui va redescendre à la fin des temps, alayhi salam, ça c'est une négation en réalité de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et même une négation du Coran, parce que la venue de Isa alayhi salam, elle est mentionnée même dans le Coran. Le cheikh il dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 159 dans sourate An-Nisa, وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. C'est-à-dire, il n'y en a pas parmi les gens du livre, excepté qu'ils vont croire, c'est-à-dire tous les gens du livre vont croire en lui avant sa mort. C'est-à-dire, lorsqu'il va revenir, à la fin des temps, les gens du livre vont croire en lui. Donc, ça c'est une indication qu'il va redescendre, et qu'il va venir à la fin des temps. Et les Juifs, même les Juifs qui ont cru, qui n'ont pas cru, les Juifs qui ont refusé de croire en lui, au début, ils vont croire en lui à la fin. Hein, ceux qui vont vivre à la fin des temps, ils vont croire en lui à la fin. وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Et parmi les gens du livre, il n'y en a aucun qui ne va pas croire en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera un témoin. Il va suivre la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va pas revenir comme, en tant que chrétien ou en tant que Ya'ali. Parce que le christianisme, c'est pas la religion de Isa alayhi salam. Le christianisme, c'est une religion que les gens ont inventée après Jésus. Elle n'existait pas à l'époque de Isa, ni Isa n'a jamais enseigné le christianisme. La religion de Isa, c'est la religion de Moïse, c'est la religion d'Abraham, c'est la religion de tous les prophètes. Donc c'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah, et c'est l'islam, la religion de Isa alayhi salam. C'est pas la religion des gens qui adorent les croix, puis qui adorent les images et les saints, et qui adorent Jésus et Marie. Jésus n'a jamais enseigné ça. Donc le chef il dit aussi que dans le verset 61 dans sourat Az-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ. C'est-à-dire que Isa, il va être un signe de l'heure. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ. C'est-à-dire qu'il va venir à la fin des temps, et que sa venue est un des signes de l'approche de l'heure du jugement dernier. Et dans une autre narration, c'est-à-dire, c'est un signe, Isa est un signe de l'approche et de la venue du jour dernier et de l'heure du jugement. Donc, ça c'est des preuves que, on doit croire en la venue de Isa alayhi salam. فقوله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال يقاتلونه ويقاتلون اليهود وتصير ملاحم بين المسلمين واليهود وينصر الله المسلمين حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله فيقتلون اليهود مقتلة عظيمة وينصر الله المسلمين عليهم. Le cheikh il dit que les derniers d'entre les musulmans, les derniers d'entre les musulmans vont combattre le Dajjal. Les derniers dans cette umma vont combattre le Dajjal. Il y a aussi que il y a les Khawarij, à la fin des temps qui vont s'unir avec le Dajjal. Et ils vont suivre le Dajjal, les Khawarij. Donc ça c'est mentionné dans des hadiths. Et le cheikh il dit donc que les musulmans vont combattre le Dajjal. Ils vont combattre le Dajjal et ils vont combattre les juifs. Et il va y avoir une grande bataille, des grandes batailles entre les musulmans et les juifs. Et Allah subhanahu wa ta'ala va donner la victoire aux musulmans sur les juifs. Et à un tel point que lorsqu'il y aura les combats et la bataille avec les juifs, à la fin des temps, il y aura des juifs qui vont se cacher derrière des pierres et derrière des arbres. Et les pierres et les arbres vont parler et vont dire « Oh musulman, viens derrière moi, il y a un juif qui est caché, viens le tuer. » Et donc c'est pour dire que les musulmans vont tuer les juifs. Il y aura une grande bataille, une grande guerre entre les musulmans et les juifs. Et Allah va donner la victoire aux musulmans sur les juifs. Et le cheikh il dit « وَقَوْلُهُ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِلٍ وَلَا عَدْلُ عَدْلٍ » C'est-à-dire que الشيخ يعني أن الجهاد لا يبطله جور جائر ولا أحد يمنع الجهاد ويقول ليس فيه جهاد والإسلام ليس دين قتال والآن يقولون هذا يقولون الإسلام ليس دين جهاد ولا دين سفك دماء نقول نعم الإسلام ما هو دين سفك دماء ولكنه دين جهاد لا لأجل سفك الدماء وإنما لأجل مصلحة البشرية والله جل وعلا يقول في حق نبيه عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فمن رحمة الله بالعالمين أن شرع الجهاد لإنقاذهم من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان فنحن لا نقاتل الكفار طمعا في أموالهم أو في دمائهم أو في بلادهم وإنما نقاتلهم لنشر الإسلام ولصالحهم فدخولهم في الإسلام من مصلحتهم هم ليموتوا على الإسلام ويدخلوا الجنة ولكن لو تركوا وماتوا على الكفر دخلوا النار فالجهاد هو لمصلحة الكفار أكثر لأنه إنقاذ لهم من الكفر ومن النار ومن الجهل ومن الضلال ترون ثمرات الجهاد في المشرق والمغرب ماذا أنتج من الخير وماذا أنتج من نشر العلم ومن نشر التوحيد ومن انتشار الإسلام وقمع الظلم لشيء الزي هيك أنول الجهاد ني لنجستيس دي لنجست ني لنجستيس دي جست C'est-à-dire que le djihad, personne ne peut l'aboler, et l'injustice d'un injuste ne peut pas l'aboler. C'est-à-dire que personne ne peut arrêter ou interdire ou abolir le djihad. Et c'est important de noter ici que la question du djihad, ce n'est pas uniquement dans la aqida du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Si vous lisez dans tous les livres de aqida de tous les imams des salafs, il y a toujours une partie où ils disent al jihad madin, hein, avec c'est-à-dire le jihad il demeure valable, il va continuer à exister jusqu'à la fin du temps avec tous les dirigeants, qu'ils soient pieux ou pervers. Tous les imams ont mentionné ça. Tous les imams parmi les salafs ont tous mentionné ça, hein, sans exception. Et ça fait partie de la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc c'est pas quelque chose de spécifique à l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui appellent les musulmans qui suivent la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, qui suivent la voie des salafs aujourd'hui, ils les appellent des wahhabiyas. Et ils disent que ce sont des gens qui appellent à de l'extrémisme ou à des choses radicales ou des choses de ce genre. Mais c'est important de comprendre que la vérité, c'est que ça, c'est pas des choses radicales ou extrémistes que le cheikh explique, c'est des choses qui font partie de l'islam et qui sont dans le Coran et dans la Sunna et qui ont été supportées et enseignées par tous les imams et tous les savants de l'islam depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours aujourd'hui. Sauf qu'il y a des gens aujourd'hui qui peut-être ont une compréhension incorrecte du djihad et qui sont tombés dans l'extrémisme ou bien sont tombés dans des mensonges au sujet du djihad et donc le cheikh il clarifie justement ces questions-là et ces points-là à ce sujet-là. الشيخ يزيد قوله لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل يعني أن الجهاد لا يبطله جور جائر ولا أحد يمنع الجهاد ويقول ليس فيه جهاد والإسلام ليس دين قتال والآن يقولون هذا يقولون الإسلام ليس دين قتال ليس دين جهاد الشيخ يزيد à l'époque actuelle il y a des gens qui disent il n'y a pas de djihad dans l'islam, il n'y a pas de combat dans l'islam. Et ceux qui disent ça, hein, c'est des gens qui ont dévié, hein, des gens qui ont menti à propos d'Allah et de son messager. Donc le cheikh, ils disent ça aujourd'hui, on les entend. Ils disent, dans l'islam, il n'y a pas de djihad. Il n'y a pas de, là, ils disent, l'islam, c'est pas une religion de djihad, et c'est pas une religion de pour faire couler le sang, hein. C'est pas une religion de faire répandre le sang. Et nous on dit, oui c'est vrai, l'islam ce n'est pas une religion qui demande de faire couler le sang, mais c'est une religion de djihad. Et le but du djihad ce n'est pas de faire couler le sang, le but du djihad, c'est uniquement pour le bien de l'humanité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet de son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Hein? Ça c'est le verset 107 dans Surat al-Anbiya. Donc le djihad, c'est une miséricorde pour les mondes. Et il dit, le chef, parmi la miséricorde d'Allah, c'est qu'il a légiféré le djihad pour sauver les sauver, c'est-à-dire pour sauver les hommes des ténèbres vers la lumière. Ok? Et de la mécréance vers la foi. Donc, nous, on ne combat pas les koufars pour leur bien. Parce qu'on désire prendre leur bien. On ne combat pas les koufars parce qu'on veut faire couler leur sang. On ne combat pas les koufars parce qu'on veut prendre leur territoire ou prendre leur pays. On combat uniquement les koufars dans le but de propager l'islam. Et pour leur bien, hein, pour leur bien, pour qu'ils entrent dans l'islam, pour leur bien à eux. Et parce que s'ils meurent sur l'islam et qu'ils rentrent au paradis, ça c'est quelque chose de bien pour eux. Toutefois, si on les abandonne et qu'on les laisse dans la mécréance, et qu'on ne ramène pas l'islam, ils vont rentrer dans l'enfer, ils vont mourir sur la mécréance, ils vont rentrer en enfer. Donc le djihad, c'est pour le bien des koufars, plus, hein, c'est plus pour le bien des koufars à eux-mêmes, parce que c'est pour les sauver de leur mécréance, et pour les sauver du feu, et pour les sauver de l'ignorance, et pour les sauver de l'égarement. Et vous voyez le bienfait du djihad, en Orient et en Occident, et quel a été le résultat, hein, comment ça a amené beaucoup de bien dans le monde, hein, à cause de ça des peuples sont rentrés dans l'islam, et il y a eu parmi eux des grands savants de l'islam qui ont propagé l'islam et qui ont enseigné l'islam et qui ont enseigné le tawhid et qui ont propagé la science, hein, et qui ont fait répandre l'islam partout et qui ont éliminé les ténèbres et l'obscurité à cause de ça. Donc on voit que le djihad, il est pour le bien de l'humanité. Et c'est pas comme les koufars essaient de le présenter aujourd'hui, comme si c'était une religion qui appelle les gens uniquement à tuer, puis à faire couler le sang, puis que c'est une religion sauvage, des choses de ce genre. Ça c'est des mensonges de la part de ces gens-là. Et c'est pas du tout ça le djihad. Même s'il y a des égarés parmi les takfiriens ou des groupes d'égarements ou d'extrémistes aujourd'hui qui font des actes de terrorisme ou des choses de ce genre au nom de l'islam, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'islam, qu'est-ce qu'ils font, parce que le djihad, c'est pas de cette façon-là, et c'est pas ce qu'ils font, ces gens-là. De même que ceux qui disent, par exemple, le djihad, c'est juste dans le cœur, tu fais ton djihad avec toi-même, contre tes désirs et contre tes passions. C'est vrai que ça c'est important de le faire et que c'est à la base le plus important de combattre contre tes désirs et tes passions, parce que si tu fais pas ça, tu pourras pas combattre tes ennemis par la suite. Tu n'auras pas assez de force dans ta foi pour le faire. Mais tu dois pas dire que le djihad se limite uniquement à ça et essayer de nier le djihad qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna contre les koufars. De même aussi que c'est important de dire à ceux qui prétendent, par exemple, que ceux qui croient au djihad aujourd'hui sont des extrémistes, c'est important de leur faire comprendre que, peu importe, parce qu'il y a beaucoup parmi les soufis et d'autres groupes aujourd'hui qui disent non, le djihad c'est dans le cœur, le djihad c'est juste un effort contre nos passions et nos désirs et contre le shaitan. Nous on leur dit oui, mais dans les quatre madahib, des quatre imams, eux ils prétendent souvent appartenir à ces madahib. Et bien dans ces quatre madhabs, que ce soit le madhab d'Abu Hanifa, ou de Malik, ou de Shafi'i, ou de Ahmad, rahimahumullah, dans tous ces madhabs, vous trouvez les règles dans les livres de fiqh qui décrivent les règles du djihad, et les conditions, et comment le faire, et la définition du djihad. Vous le trouvez ça dans tous les livres de fiqh. Donc peu importe ces gens-là, qu'est-ce qu'ils prétendent, et qu'est-ce qu'ils disent aux koufars, il y a des fois qui sont des mensonges pour leur faire plaisir, ils leur disent non, l'islam, il n'y a pas de djihad, l'islam c'est la religion de l'amour, l'islam c'est la religion de la paix, hein, il y a peace and love, hein, des choses comme ça. Ça c'est une déformation de la réalité. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont, puis dire les choses telles qu'elles sont, mais en même temps on ne tombe pas dans les extrémismes. Hein. On n'enlève pas, mais on ne rajoute pas non plus. Donc le cheikh, il dit ensuite, وقوله ولا عدل عادل يعني لا أحد يمنع الجهاد حتى ولو كان المنع من سلطان عادل فالجهاد لا يسكت لا نقول حصل المقصود فالعدل الآن منتشر والناس في خير الجهاد ماض بحكم الله وبحكم الله سبحانه ولكن بهذه الشروط أولا أن يكون بالمسلمين قوة على الجهاد ثانيا أن يكون الجهاد تحت راية وتحت راية ولي أمر المسلمين أن يكون الجهاد تحت راية ولي الأمر الموحدة ينظمهم ويساعدهم ويكون ردئا لهم يرجعون إليه وثالثا أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله وليس من أجل طمع الدنيا أو الظهور في الأرض Donc le cheikh il dit ici et ni la justice du juste ne peut pas empêcher le djihad c'est-à-dire personne ne peut abolir ou empêcher le djihad ou interdire le djihad même si c'est un dirigeant qui est juste hein, même si un dirigeant juste il ne peut pas empêcher le djihad ne va jamais cesser d'être ordonné et commandé et on peut pas on doit pas dire donc que on a atteint notre objectif hein حصل المقصود on est arrivé à notre objectif et à la justice maintenant sur la terre يعني les gens sont déjà dans le bien hein, les gens sont déjà corrects hein, et que le djihad continue et le jugement d'Allah continue donc ça c'est pas يعني, il faut comprendre donc le djihad continue par le jugement d'Allah mais il y a les conditions pour le djihad il y a trois conditions ok première condition il faut que les musulmans soient forts et qu'ils aient la capacité de le faire si les musulmans sont pas assez forts pour affronter les kuffars alors dans ce cas ils ont pas le droit de combattre donc ça c'est la première condition on les a expliqués hier deuxièmement il y a qu'un djihad donc deuxièmement le djihad doit être fait derrière une bannière la bannière du dirigeant musulman du président ou du chef de l'état hein et cette bannière doit être unie c'est-à-dire elle doit être une seule bannière et tout le monde se réunisse autour tous les combattants c'est pas des différents groupes différentes factions ou des gangs qui s'organisent individuellement pour soi-disant faire le djihad c'est pas comme ça le djihad doit être organisé par le chef de l'état c'est lui qui organise les armées et c'est lui qui les arme et c'est lui qui les envoie au combat et qui les commande dans le combat et donc c'est lui qui les aide qui les organise c'est lui qui est leur bouclier et il retourne aux dirigeants pour lui demander ou pour avoir de l'orientation ou de la guidance donc ça c'est une condition également il faut que ce soit fait avec le dirigeant et avec par sa permission et selon son commandement et derrière sa bannière troisièmement il faut que le djihad soit dans le but d'élever la parole d'Allah et non pas pour des intérêts de la dunya ou dans le but de prendre le pouvoir sur la terre si c'est fait pour ces raisons là c'est pas valable et Allah ne va pas l'accepter ce sera pas valable contrairement à des gens qui prétendent que le djihad c'est juste pour la terre et ils font du djihad juste une question matérialiste il y a une question de pour avoir une terre ou un territoire comme en Palestine par exemple c'est pas ça le but du djihad c'est pas pour la terre donc ça c'est à ce point là après le cheikh il dit wa ara wujub as-sam' wa at-ta'a li a'immat al-muslimin برهم وفاجرهم وما لم يأمروا بمعصية الله وعليكم السلام ورحمة الله حمزة ما شاء الله بارك الله فيك أخي كما سبا الحمد لله الشيخ الذي برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله وما لم ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه Le chef, c'est l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit, et je vois qu'il est obligatoire pour les musulmans d'écouter et d'obéir aux dirigeants des musulmans, qu'ils soient pieux ou qu'ils soient pervers, tant qu'ils ne nous ordonnent pas de faire un péché. Et celui d'entre les musulmans qui a pris en charge le khilaf, et que les gens se sont mis d'accord, se sont mis autour de lui, et qu'ils sont satisfaits de lui, ou bien qui a pris le dessus sur les autres avec son épée, jusqu'à ce qu'il devienne le khalifa, alors c'est obligatoire pour les gens de l'obéir, et il est interdit de prendre les armes et de se rebeller contre lui. Donc ça même, ça c'est la aqidah de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, contrairement aux soufia et aux gens de Bid'a qui prétendent que c'est un khariji et qu'il a été de se rebeller contre l'empire ottoman ou des trucs de ce genre. Tout ça c'est des mensonges qu'ils ont inventés à propos du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Hein? Donc le cheikh il dit ومن أصول العقيدة السمع والطاعة. Le cheikh Al-Fawzan il explique ومن أصول العقيدة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بعد أن أمر بطاعته وطاعة رسوله أمر بطاعة ولاة الأمور من المسلمين وقوله منكم يعني من المسلمين أما إذا لم يكن مسلما فلا طاعة له فيشترط فيه أن يكون مسلما وعندئذ تكون طاعته واجبة والخروج عليه معصية ومحرمة وهذا أصل من أصول الإسلام وبه تجتمع كلمة المسلمين وتقوى شوكتهم يا شيخ اللي parmi les fondements de l'aqida il faut écouter et obéir aux dirigeants musulmans en agissant selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qui dit dans le verset 59 de sourate An-Nisa ô vous qui avez cru obéissez à Allah obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement à ceux d'entre vous, c'est-à-dire parmi les croyants, parmi les musulmans qui détiennent le pouvoir, qui détiennent le commandement, il faut leur obéir. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir ordonné de l'obéir, lui, et d'obéir à son messager, il nous ordonne d'obéir aux dirigeants des musulmans. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « minkum », c'est-à-dire les gens qui détiennent le commandement, ceux parmi vous qui détiennent le commandement, parmi vous, ça veut dire parmi les musulmans. Donc ce sont des dirigeants musulmans. Hein? Mais toutefois, s'il n'est pas musulman, alors il n'y a aucune obéissance et aucune écoute, aucune obéissance envers lui qui est obligatoire, s'il n'est pas musulman. Le cheikh, il explique ça, hein? Et donc ça c'est un point important. Et il dit fayushtarat, donc c'est une condition pour qu'un dirigeant soit un dirigeant des musulmans, c'est une condition qu'il soit musulman. Et à partir du moment qu'il est musulman, c'est obligatoire de l'obéir. Et c'est interdit de sortir et de se rebeller contre lui à cause d'un péché qu'il a fait ou quelque chose de ce genre. C'est interdit de se rebeller contre lui. Celui qui se rebelle contre lui, il a fait un péché, et il a fait qu'est-ce qui est haram. Et ça c'est un des fondements parmi les fondements de l'islam, et c'est ça qui fait en sorte que la parole des musulmans est réunie, et que les musulmans ont de la force. Comme on dit, l'union fait la force, et bien c'est ça, de s'unir autour du dirigeant, et puis de l'obéir dans le bien. Même si comme les imams ont expliqué, même si c'est un pécheur, même si le dirigeant il fait des péchés, même si c'est un pervers, même s'il fait plein de choses injustes, il faut l'obéir dans le bien, et on n'a pas le droit de se rebeller contre lui. Du moment qu'il est musulman, c'est ça l'important. Hein? Ensuite, le reste, ça c'est les ulama qui vont donner la nasiha aux dirigeants, ou les gens qui vont donner la nasiha aux dirigeants en privé, pour lui dire lorsqu'il se trompe ou lorsqu'il fait de l'injustice, mais pas de le faire publiquement ou devant tout le monde. Hein? Donc le cheikh il dit, والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الوصية حيث شعروا بقرب أجله فطلبوا منه الوصية قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد لأن النظر ليس لشخصه وإنما النظر لمنصبه العبرة بمنصبه لا بشخصه وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فطاعة ولي الأمر عصمة من الاختلاف. ولهذا لما سأل حذيفة ابن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن عند ظهورها قال ما تأمرني إن أدركني ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فأمر حذيفة عند ظهور الفتن أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأنه عصمة من الفتن وعصمة من الاختلاف، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، فالاختلاف شر والاتفاق رحمة. Donc le cheikh explique ici que, ça c'est important, mais avant d'expliquer ça, c'est important de comprendre que quand on a dit que l'obéissance est obligatoire aux dirigeants musulmans, puis qu'il n'y a pas d'obéissance aux kafirs, aux dirigeants kafirs, il faut faire attention aussi aux takfiriyin et aux khawarij qui déclarent les dirigeants kuffars aujourd'hui, pour des péchés qu'ils font. Et ils les déclarent kuffars sans preuve. Ils disent par exemple que par le simple fait que par exemple, ils voient qu'ils font des péchés, ou bien qu'ils acceptent qu'il y a des banques de riba dans leur pays, ou bien qu'ils font des alliances politiques ou économiques avec des pays non musulmans, ils disent ça c'est des alliances avec les kuffars, ils les déclarent kuffars à cause de ça, ou bien parce qu'ils ont des lois dans leur pays qui sont contraires à l'islam, et ces dirigeants-là, ils croient et ils disent que la loi d'Allah est au-dessus de toute loi, et que il n'y a pas de loi qui est au-dessus de la loi d'Allah ou équivalente, et ils disent que oui, de juger selon ces lois-là, c'est haram, on n'a pas le droit, mais ils ont des raisons incorrectes de les accepter, mais ou de les laisser être appliquées, mais ils ne les rendent pas licites. Donc ceux-là, on n'a pas le droit de les déclarer kuffar, mais ces takfiriyin, ils ne cherchent pas à comprendre les détails de la religion et ils veulent les déclarer kuffar sans exception, yani. Et donc c'est très dangereux cette voie-là, et il faut faire attention parce que par la suite ils vont déclarer même les ulama kuffar du fait que les ulama ne disent pas que les dirigeants sont kuffar. Donc eux ils disent si les ulama ils parlent pas, donc ça veut dire que c'est des kuffar eux aussi, et après ils vont déclarer la population aussi kuffar par la suite. Et puis après, ils vont se permettre même de les tuer et de faire des meurtres et d'attaquer les musulmans et de les combattre. Donc ça, c'est une fitna et c'est un danger, hein, c'est la voie des khawarij. Donc il faut faire très attention à ce sujet-là. Et il y a des ulama qui ont écrit à ce sujet-là, qui ont parlé à ce sujet-là, qui ont averti contre ça. Donc il faut juste faire attention, yani. Et le cheikh, il dit ensuite, donc, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été, les sahaba lui ont demandé de leur donner une sorte de conseil, une wasiya. Une wasiya c'est quoi? C'est un conseil que tu laisses à quelqu'un avant de mourir, ok? Ou quelque chose que tu leur donnes comme un testament, ok? Donc ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un discours, puis les sahaba ont dit, la façon dont tu parles, c'est comme si quelqu'un qui dit ses adieux. Donc, donne-nous un conseil, ou laisse-nous des consignes à suivre, hein, puisque tu vas nous quitter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmad, selon Al-Irbad ibn Sariya, il a dit, je vous conseil et je vous enjoins de craindre Allah et d'écouter et d'obéir, même si il y a à votre tête, ou même si celui qui prend le pouvoir sur vous c'est un esclave. Et il dit par la suite, c'est-à-dire que le cheikh explique, il dit c'est-à-dire il ne faut pas regarder à sa personne, il faut regarder à son statut et à sa position, parce que c'est lui le dirigeant. Donc on ne faut pas regarder le fait que il est un esclave ou qu'il est quoi que ce soit de son apparence physique, il faut regarder à son statut et du fait que les gens lui ont donné la bay'a et que c'est lui le dirigeant, donc on regarde à son statut et non pas à sa personne et on lui obéit, hein, même si c'est un esclave. Et le cheikh dit, et celui qui vit parmi vous, il va voir beaucoup de divergences. Donc, le cheikh dit donc que d'obéir aux dirigeants, c'est quelque chose qui va faire en sorte que ça va nous protéger de la divergence. Le fait d'obéir aux dirigeants, ça nous protège de la divergence. Regardez les musulmans ici, par exemple, à Montréal. Il n'y a pas de musulmans qui les dirigent. Il n'y a pas un chef qui les oriente. Et à cause de ça, chaque musulman est divisé de l'autre. Et non seulement ça, mais chaque mosquée est organisée et indépendante de l'autre. Et il n'y a pas un gouvernement ou une autorité centrale qui contrôle les musulmans et qui oriente les musulmans. Donc qu'est-ce que ça amène? Ça amène la division. Et je n'ai pas vu, moi, depuis que je suis converti à l'islam, que les musulmans se sont plus divisés lorsqu'ils sont arrivés ici que lorsqu'ils ont commencé à augmenter de plus en plus le nombre de mosquées. On voit que plus qu'il y a de nombre de mosquées, parfois, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ils font une mosquée, après il y a une division dans la mosquée, après une partie des autres se sépare pour aller en faire une autre ailleurs parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les premiers, et donc ça commence comme ça. Après ça, ça fait une autre division, puis une autre division, puis une autre division, puis ça finit plus comme ça. Donc, et puis aussi parce que les gens suivent des manhajs différents et ils ont des différences dans leur compréhension de l'islam et dans leur aqidah. Et ça amène qu'il y a des divergences entre les musulmans entre les mosquées également. Hein, hier soir, je m'en allais prier au centre-ville, et puis dans l'autobus, j'ai rencontré un frère, un musulman qui était dans un de mes cours, hein, quand je faisais des cours de chimie, lui il était dans ma classe. Subhanallah, j'avais remarqué qu'il était toujours respectueux, hein, il était toujours respectueux, du fait qu'il savait que j'étais musulman, qu'il me disait salam et tout. C'était le seul musulman qui venait me voir, qui me disait salam. Et puis, hier je l'ai vu dans l'autobus, et là je lui ai demandé est-ce que tu habites dans le coin, parce qu'il était dans le coin de l'avenue du Parc. Et je lui ai demandé est-ce que tu habites dans le coin, il me dit, non j'habite pas dans le coin, mais je m'en vais dans un centre islamique ou quelque chose comme ça. Je connais le quartier un peu, je sais qu'il n'y a pas de centre islamique à cet endroit-là, sauf des centres soufis. Alors je lui ai dit, tu vas chez les Naqshbandi? Il m'a dit, ah tu connais. Et il était tout content parce qu'il pensait que je connaissais ça et que j'étais d'accord avec ça. Mais je lui ai expliqué, j'ai dit non. Il dit non, moi je ne suis pas Naqshbandi, je suis Burhani. Et je m'en vais dans la tariqa Burhaniya. Donc là, j'ai dit, ah, ça c'est pas en accord avec la sunna. Puis j'ai dit, mais tu sais, il y a quatre voies, tu sais, il y a quatre lignes de soufis qui sont enseignées depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nous. Et ça, c'est une des quatre. En voulant dire qu'ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné des connaissances secrètes à chacun des khulafa rachidin. Et puis, soi-disant, chacun des khulafa a fait circuler par la suite, ils se sont transmis cette voie secrète jusqu'à aujourd'hui, et c'est devenu toutes les différentes tours soufis qu'on connaît aujourd'hui. Donc j'essaie de lui expliquer, mais bon, on n'avait pas beaucoup de temps puisqu'il allait descendre. Mais c'est juste pour dire que il y a les mosquées maintenant à Montréal chiites, et on n'en entend pas parler, et on les connaît pas parce que on n'est pas au courant de ce qui se passe parmi eux. Il y a les mosquées et les centres soufis, et les centres de soufis qui sont complètement séparés, on n'en entend pas parler non plus, sauf ceux qui sont soufis, qui sont dans le milieu, qui vont là-bas. Et il y a les mosquées, disons, neutres, qui n'ont pas de tendance, qui sont juste gérées pour faire la prière, puis tu rentres, tu sors, puis c'est fini. Il n'y a pas de da'wah, il n'y a pas d'enseignement qui sont donnés dans ces mosquées-là, c'est juste prier, puis partir. Puis il y a les mosquées qui sont avec des tendances clairement Hizbiya, Ikhwan et Tablir, ou bien d'autres tendances de ce genre, tu vois. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'union entre les musulmans. Et c'est ça le danger lorsqu'il n'y a pas d'autorité et de dirigeants que les gens ne se mettent pas autour de leurs dirigeants pour se réunir dans la religion. Ça amène la division, et c'est ça ce que le cheikh explique maintenant. Et donc ça amène la division et la fitna. Et c'est ça que lorsque les musulmans, lorsque Hudayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'apparition des tribulations et des fitna, des épreuves et des tentations qui vont arriver à la fin des temps, hein, lorsque il va y avoir beaucoup de choses mauvaises qui vont apparaître à la fin des temps, et qu'il y aura des gens qui vont appeler aux portes de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire à ce moment-là? Il a dit, restez avec le corps des musulmans et leurs dirigeants. Restez avec le corps ou le groupe des musulmans et leurs dirigeants. D'accord? Et Hudayfa, à ce moment-là, il a donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quoi faire lorsque la fitna allait apparaître entre les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné donc de rester avec les musulmans et leurs dirigeants. Et ça, c'est pour protéger contre la fitna. C'est pour protéger contre la divergence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans le verset 105, dans Surat Al-Imran, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que leur soit venue l'épreuve évidente. Et ceux-là, ils auront un dur châtiment, un grand châtiment. Donc, la divergence, c'est quelque chose de mauvais. Et le fait d'être d'accord et d'être unis, ça c'est quelque chose de bien. Parce qu'on a des gens aujourd'hui parmi les musulmans qui sont dans des groupes et qui disent le pluralisme, c'est quelque chose de bon. Et le fait qu'il y a différences de groupes, différentes tendances, ça c'est quelque chose de bon. Hein, ils pensent que c'est des choses de bien. Alors qu'au contraire, ça divise les musulmans et ça les affaiblit. Le cheikh il dit ensuite, فَقَوْلُهُ برهم وفاجر برهم وفاجرهم يعني كما مر معنا لا يشترط في ولي الأمر المسلمين أن يكون صالحا 100% كالخلفاء الراشدين بل تجب طاعته ولو كان عنده شيء من المخالفات والمعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر والخروج من الدين ففساده عليه ولكن إمامته لصالح المسلمين ولما سئل بعض الأئمة قيل له فلان تقي لكنه ضعيف وفلان فاسق ولكنه قوي أيهما يصلح للإمامة قال الفاسق القوي لأن الصالح الضعيف صلاحه لنفسه وضعفه يضر المسلمين والفاسق فسقه على نفسه وقوته للمسلمين لشيخ الزي donc كان الإمام محمد بن عبد الوهاب الزي qu'il soit pieux ou qu'il soit pervers. Hein, les pieux et les pervers, on doit faire le djihad avec eux, c'est-à-dire que c'est pas une condition pour qu'un dirigeant soit un dirigeant sur les musulmans, c'est pas une condition qu'il soit complètement 100% pieux, hein, 100% parfait là, comme les gens espèrent parfois que leur dirigeant doit être parfait 100%, non, le cheikh il dit, c'est pas une condition qu'il soit parfait 100% comme les khulafa al-rashidin par exemple, hein, parce que c'est pas une condition de ça. Puis le cheikh il dit, c'est de toute façon c'est obligatoire de les obéir, même s'il a quelques contradictions, même s'il a des péchés, tant que son péché n'atteint pas le niveau du kufr ou la sortie de la religion complète. Hein? Tant qu'il n'a pas sorti de la religion, tant qu'il n'a pas fait le kufr, donc dans ce cas-là, on doit continuer à l'obéir et à faire le djihad avec lui. Et sa perversité et son péché, ça retombe sur lui seulement. Mais le fait qu'il est notre dirigeant et qu'il est notre chef, ça c'est pour le bien de tous les musulmans. Hein? Les salihis al-muslimin. Le cheikh il dit, et lorsqu'on a demandé à des imams de l'islam, on leur a demandé, un tel parmi les musulmans, il est pieux. Sauf qu'il est faible dans sa personnalité, il est faible dans son caractère ou dans son. Il est faible, il n'a pas de force. Tandis que l'autre, il est pervers, il fait des péchés, mais il est fort. Lequel des deux on doit choisir pour être un khalifa, pour être le dirigeant? Les ulama ont répondu. Et ils ont dit, le pécheur qui est fort, c'est lui qui doit être le dirigeant. Il est meilleur pour être un dirigeant que le pieux qui est faible. Pourquoi? Parce que le pieux qui est faible, sa piété c'est pour lui-même et sa faiblesse est pour les musulmans. Tandis que le pécheur, son péché c'est contre lui, mais sa force est pour les musulmans. Et donc c'est pour ça qu'ils ont répondu que dans ce cas-là, le pécheur qui est fort, il est mieux que pour être un dirigeant que celui qui est pieux mais qui est faible, d'accord? Pas dans le sens qu'il est un meilleur musulman, non, dans le sens qu'il est plus apte à être un bon dirigeant, hein, et à amener, à protéger, à défendre les musulmans que celui qui est pieux mais qui est faible. Le cheikh il dit وقوله برهم وفاجر برهم وفاجرهم هذا خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون على الأئمة الفجار يعني الأئمة العصاة يراد بالفجار هنا العصاة. Le cheikh il dit, quand l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, on doit rester, combattre avec les dirigeants, qu'ils soient pieux ou pervers, le cheikh il dit, c'est-à-dire, contrairement aux Khawarij et aux Mu'tazila, qui considèrent que les imams doivent être parfaits, ou bien qu'ils doivent être sans péché, et que s'ils ont des péchés, ils doivent être combattus et on doit les enlever du pouvoir, puis prendre les armes contre eux ou se rebeller contre eux. Et les foudjars, c'est-à-dire les pécheurs, les musulmans ou les dirigeants qui sont pécheurs ou qui sont injustes. Ça, c'est la voie des Khawarij et des Mu'tazila. C'est pas la voie d'Ahl-Sunnah ou Al-Jama'a. Et il y en a parmi des groupes de Hizbiyin aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Ils critiquent tous les gouvernements musulmans qui font des injustices ou qui font pas le bien ou qui font des péchés. Et puis ils disent, il faut les exposer, il faut parler contre eux, il faut les dénoncer, et ils sont dans les pays de kufr, ces gens-là. Et ils disent, il faut s'allier avec les kufars contre nos pays musulmans et contre les gouvernements musulmans parce que ces pays-là sont des pays injustes, etc., etc. Ça c'est grave. Ça c'est grave que tu t'allies avec les kufars contre des pays musulmans, soi-disant parce qu'ils font de l'injustice. Hein, et tu veux appeler les musulmans à la rébellion et à la révolte contre les dirigeants musulmans. Ça c'est la voie des Khawarij et des Mu'tazila. C'est pas la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'ah. Le cheikh il dit ensuite وَقَوْلُهُمْ مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَتَجِبُ طَاعَتُهُمْ فَإِذَا أَمَرُوا بِمَعْصِيَةِ فَلَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ وَلَكِنْ لَا تَنْخَلِعْ بَيْعَتُهُمْ إذا أمروا بمعصية ولا نطيعهم في هذا لكن تبقى طاعتهم فيما هو معروف وليس فيه معصية ونخالفهم في المعصية ونطيعهم في غير المعصية. Le cheikh il dit, et l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab il a dit, tant qu'il n'ordonne pas aux gens de faire un péché, c'est-à-dire, tant qu'il n'ordonne pas aux gens de faire un péché, donc c'est obligatoire de les obéir. Mais s'ils ordonnent un péché, alors il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du Créateur, comme c'est rapporté dans un hadith à ce sujet. Donc le chef il dit, mais on ne doit pas annuler ou retirer notre allégeance de ce dirigeant-là parce qu'ils ont ordonné de faire un péché. Hein? Et on ne doit pas les obéir dans ce péché-là, mais on continue de les obéir dans ce qui est bien, le reste de ce qui est bien, et dans ce qui n'est pas un péché. On continue de les obéir dans le reste, mais on les contredit dans ce qui est un péché, et on les obéit dans ce qui n'est pas un péché. Donc ça c'est le principe à comprendre qui est très important dans l'islam. Ensuite le cheikh il explique, donc juste avant de passer à un autre point, c'est juste pour clarifier encore une fois que faut faire attention aux jeunes ou bien aux moins jeunes qui suivent la voie des Khawarij et qui appellent les jeunes à la révolte et à la rébellion. Et puis les ulama, alhamdoulilah, ils ont averti à ce sujet-là. Et ils ont parlé de ça. Donc c'est très important. Le cheikh il dit وقوله من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته هذا فيما تنعقد به الإمامة. قالوا تنعقد الخلافة بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول اختيار أهل الحل والعقد له، فإذا اختاره أهل الحل والعقد بايعوه ولزم طاعته كخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها ثبتت باختيار أهل الحل والعقد وليس بلازم أن يختاره كل المسلمين كما في الانتخابات، هذا ليس في نظام الإسلام، بل يكفي أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأهل الرأي والمشورة، فإذا اختاروا إماما للمسلمين لزمت طاعته على جميع المسلمين، لا أحد يقول أنا ما اخترت ما بايعت وأنا ما بايعت، كما يقول بعض الجهال الآن. أنت مسلم، أنت من المسلمين، والمسلمون اختاروا هذا الرجل إماما لهم، فلا يجوز لك أن تشذ وتخرج منهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم، وإذا كان أدناهم يسعى بذمتهم فكيف بأهل الحل والعقد والمشورة والرأي. فالصحابة أطاعوا لأبي بكر مع أن الذين بايعوه هم قادة المهاجرين والأنصار في ثقيفة بني سعدة، وكذلك عثمان رضي الله عنه اختاره أهل الشورى الستة الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه، فقد عهد إلى بقية العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فالستة اجتمع رأيهم على عثمان فبايعوه، فلزمت طاعته جميع المسلمين وانقادوا له. Le cheikh explique ici un point important qui a rapport avec comment le khilafa et comment la bay'a ou l'imam est établi dans l'islam. C'est-à-dire comment on détermine ou à quel moment quelqu'un devient un dirigeant pour les musulmans et comment ça se passe, comment ça se produit. Le cheikh dit que le khilafa, c'est lorsque les gens se sont réunis, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit c'est lorsque les gens se sont réunis autour d'un homme et qu'ils sont satisfaits de lui. Ou bien celui à qui on a donné le khilafa, ou bien celui que les gens se sont mis d'accord autour de lui, ou bien celui qui a pris le dessus sur les autres avec son épée et qu'il est devenu le khalifa, dans ce cas-là c'est obligatoire de l'obéir. Donc ça c'est les trois façons comment quelqu'un devient un khalifa dans l'islam, ou devient un dirigeant ou un responsable des musulmans dans l'islam. Le cheikh il dit, donc il y a trois choses. La première c'est l'exemple qu'on a donné, quand les responsables musulmans choisissent quelqu'un parmi les ulama, parmi les hauts placés, parmi les gens respectés dans la société, ils donnent leur allégeance à un d'entre eux, et donc à partir de ce moment-là, il devient le responsable et le dirigeant pour les autres musulmans. Il lui donne l'allégeance et à partir de ce moment-là, c'est obligatoire de l'obéir. Et il y a l'exemple du khilafa de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, à ce moment-là, c'est ce qui est arrivé. Il a été choisi par les hauts placés, par les respectés parmi les sahaba, les plus respectés parmi les sahaba. Et à partir de ce moment-là, c'était pas obligatoire que chaque musulman le choisisse comme dans les élections. Le cheikh dit que c'était pas nécessaire que chaque individu musulman l'accepte et lui donne l'allégeance ou lui donne son accord comme dans les élections, dans la démocratie. C'est pas comme ça dans l'islam. Le cheikh il dit non. Ça c'est pas le système de l'islam. هذا ليس في نظام الإسلام. Il est suffisant dans l'islam que les responsables, les hauts placés, les ulama, les gens respectés qui ont une autorité, qui ont une position dans la société, eux, ce sont les gens qui ont l'opinion correcte et qui sont parmi les gens de la consultation, ceux-là, ils choisissent un parmi les musulmans pour être leur dirigeant, et puis ils leur donnent l'allégeance, et à ce moment-là, c'est obligatoire pour tous les autres musulmans qui sont dans cet endroit-là de l'obéir, dans ce pays-là, de l'obéir. Et quelqu'un n'a pas le droit de dire par la suite, moi je ne l'ai pas choisi, ou moi j'ai pas donné mon allégeance. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il y a des ignorants, le chef, il y a des ignorants aujourd'hui qui disent ça. Et moi j'ai pas donné mon allégeance à ce dirigeant-là, j'ai pas donné ma parole. Parce qu'il compare l'islam avec la démocratie, puis il s'imagine que ça doit être comme dans la démocratie, chaque personne doit voter. Non, c'est pas comme ça. S'il y a, par exemple, dans certains pays musulmans où il y a un dirigeant musulman, et dans ces pays-là, ou dans ces pays musulmans-là, il y a des villages, il y a des villes, et dans chaque ville, ou dans chaque endroit, il y a soit un chef de tribu, ou soit un chef du village, ou soit un chef de la ville, et lui, il va donner l'allégeance au dirigeant. Et cette allégeance qu'il donne à son dirigeant, il représente, ou il représente tous les autres qui sont dans son village, il donne sa béa pour eux. Donc même si toi-même tu n'es pas allé personnellement donner ton allégeance au dirigeant, le fait que lui il l'a donné, eh bien ça compte pour toi. Et le chef il dit, parce que tu fais partie des musulmans, et celui que les musulmans ont choisi comme imam, alors il n'est pas permis à quelqu'un par la suite de prendre une position singulière et puis de s'écarter des autres musulmans, puis de dire « Ah non, moi je suis pas d'accord avec lui » et je sors, ou tu sors de la décision des musulmans. Ça, c'est pas permis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les musulmans sont une main, les uns pour les autres, hein, sont une main pour les autres. » C'est-à-dire, si des musulmans ont pris une décision, ça compte aussi pour les autres. Et on doit respecter l'entente et le pacte qu'un musulman a donné, même si c'est le moindre d'entre les musulmans. S'il a donné un pacte et une entente, eh bien on doit respecter ce pacte et cette entente-là, même si c'est le moindre d'entre les musulmans. Et ensuite, le cheikh, il dit, si on doit respecter l'entente ou le pacte qui a été pris par le moindre d'entre les musulmans, alors que devons-nous dire dans ce cas-là de ceux qui sont les plus haut placés parmi les musulmans, et qui font partie de Ahlul Hilli wal Aqd, et qui font partie des gens de la consultation, et qui ont une opinion qui est droite et qui est bien fondée parmi les gens de la société. Donc le cheikh dit, les sahaba, ils ont obéi à Abu Bakr, alors que malgré que ceux qui étaient là à l'époque pour donner la bay'a à Abu Bakr, c'était uniquement les chefs parmi les muhajirines et parmi les ansar qui étaient réunis dans l'endroit qu'on appelle Saqifa de Bani Sa'ida. Donc ils étaient là, et c'est seulement les chefs parmi les muhajirines et les ansar qui ont donné la bay'a, pas les autres musulmans. C'est pas tous les autres musulmans qui ont donné l'allégeance à Abu Bakr. Mais ça comptait pour tout le monde, même si les autres n'étaient pas là. Et également, lorsque Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est décédé, eh ben, il a choisi 6 personnes pour donner l'allégeance, c'est-à-dire, il a choisi 6 personnes, et Omar a dit, choisissez dans vous, parmi vous les six c'est-à-dire les 6 parmi ceux qui sont promis au paradis, hein, parmi les Mubashirin bil Janna, choisissez un d'entre vous pour être leur khalifa. Et les 6 il y en a 5 qui ont choisi, Othman. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas tous les musulmans qui ont donné l'allégeance à Othman, c'est les 6 seulement, mais ça a compté pour toute la Ummah, pour tous les musulmans dans le monde, même si les autres n'étaient pas là pour donner leur point de vue ou leur opinion. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Et le cheikh, il dit, ces 6-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors qu'il était satisfait d'eux. Et ils ont mis leur opinion sur Othman, ils lui ont donné l'allégeance. Et donc l'obéissance de Othman était obligatoire par la suite pour tous les musulmans, et c'était obligatoire à tous les autres de lui obéir et de se soumettre à son commandement. والأمر الثاني ولاية العهد، فإذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده لزمه طاعته، تلزم طاعته وتنعقد إمامته، كما عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنهما، فسمعوا له وأطاعوا رضي الله عنهم. لشيخ الدين la deuxième façon c'est de que quelqu'un désigne celui qui va le succéder, c'est-à-dire un dirigeant, il va désigner celui qui va prendre sa place et qui va le succéder. Comme par exemple à l'époque de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, avant de mourir, il a désigné Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a dit c'est lui qui va me succéder. Donc le cheikh il dit à partir de ce moment-là, c'est obligatoire de lui donner l'allégeance et de le considérer comme, c'est-à-dire que c'est obligatoire de l'obéir par la suite, et de l'écouter et de l'obéir. Et c'est ça ce qui est arrivé à l'époque. Donc c'est pas nécessaire, encore une fois, que tous les musulmans aient été d'accord que ce soit Omar, non. Hein, radiallahu anhu, non. Abu Bakr a dit, c'est lui qui est mon successeur. Alors quand il était mort, c'était lui son successeur. Et ils ont donné l'allégeance à Omar. C'était pas tout le monde parmi les musulmans qui devait être d'accord ou qui devait donner ça, leur parole ou leur obéissance à Omar ibn al-Khattab. Donc si un dirigeant, par exemple, dans un pays musulman, il dit après moi, celui qui va prendre ma place, c'est lui, alors c'est lui qui va être le dirigeant après, même si la population n'a pas voté pour lui. Et même s'ils ne sont pas d'accord, que ce soit lui. C'est-à-dire, ceux qui sont les responsables, hein, les musulmans vont lui donner la bayat et après c'est obligatoire de l'obéir. C'est pas comme dans la démocratie, dans l'islam, que les gens vont commencer à dire, ah, mais moi j'ai pas donné mon mot, j'ai pas voté pour lui, j'étais pas d'accord, hein. Donc ça c'est important. Après, le cheikh il dit, c'est comme même ici, même dans la démocratie, hein. C'est pas tout le monde qui vote pour la même personne, hein. Il y a toujours 50-50 ou 40-60, hein. Et est-ce que les 40% qui ont pas, gagné leur élection, est-ce qu'ils vont dire, ah, nous, on l'obéit pas parce qu'on a perdu. On a pas, celui qu'on a, pour qui on a voté, il a pas gagné, donc on n'obéit pas à celui-là. Non, ils obéissent quand même, hein. Donc c'est pour la même chose. Mais dans l'islam, il n'y a pas ces genres de trucs d'élection et des choses de ce genre, malgré qu'il y a des islamistes qui appellent à ça, malheureusement. Le cheikh, il dit, al-amr al-thalith, إذا كان الناس ليس لهم إمام فقام رجل فيه شجاعة وقوة ورأي فيه رأي وتغلب على الناس بسيفه حتى خضعوا له فهذا تلزم طاعته ويمثلون لهذا بعبد الملك بن مروان فالناس في عهده كانوا بدون إمام عام فقام الرجل بشجاعة وشهامة وقوة ورأي فقاتل وتغلب وأطاع له المسلمون فصار إماما لهم وانعقد إمامته بذلك أما من يأتي والمسلمون لهم إمام ينازع الإمام ويريد أن ينخلع الإمام فيصبح بدلا عنه فهذا يجب على المسلمين قتله قال صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان فنحن مع ولي الأمر إذا قام عليه أحد فنحن معه في دفع هذا الخارج على جماعة المسلمين ونقاتله ونضحض شره عن المسلمين لئلا يفكك الكلمة وذلك للمصلحة العامة للمصلحة العامة وهذا هو اعتقاد الشيخ في السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وفي هذا رد على الذين يصفونه بالخروج على الولاة donc le cheikh il dit comme troisième point lorsque les gens n'ont pas d'imam c'est-à-dire il n'y a pas eu d'imam il n'y a pas de succession et que donc les gens sont restés là le dirigeant on va dire qu'il est mort. Et là, il n'y a pas personne qui a été désigné. Et que là, tout le monde est là, ils ne savent pas c'est qui va être le chef ou le dirigeant. Et qu'il y en a un parmi les musulmans qui est fort et qui a du courage et qui est capable de prendre le dessus sur les autres et de s'établir avec son épée comme étant le dirigeant. Dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, c'est obligatoire de se soumettre à lui et de l'obéir. Et il donne l'exemple, le cheikh il dit, on donne souvent l'exemple de ça, de Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan, à son époque, il n'y avait pas d'imam général, il n'y avait pas de dirigeant général pour les musulmans à son époque. Et là, les gens étaient comme sans dirigeant. Qu'est-ce qui se passe? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, le pouvoir avec sa force, avec son courage, avec sa position. Et il a combattu, hein. Et il a pris le dessus sur les autres, alors tous les musulmans l'ont obéi par la suite, et il est devenu l'imam pour les musulmans, et on lui a donné donc le khilafa à partir de ce moment-là. Donc, le chef il dit, toutefois, celui qui vient, qui veut, par exemple, il voit que les musulmans ont déjà un dirigeant, puis il veut disputer ce dirigeant-là et lui prendre sa position pour se mettre à sa place, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire pour les musulmans de le tuer ou de le combattre. Et le cheikh, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim selon Arfaja, il a dit, celui qui vient vers vous, alors que vous êtes réunis autour d'un seul homme, et qui veut briser votre unité, ou qui veut diviser votre unité, hein, votre jama'a, votre groupe, alors tuez-le, peu importe qui il est. Peu importe qui il est, même si c'est le plus pieux des hommes, peu importe qui il est, il veut vous diviser et vous prendre le pouvoir à sa place, combattez-le, tuez-le, peu importe qui il est. Et nous, le cheikh il dit, nous donc, on est avec le dirigeant, on doit être avec le dirigeant. Et lorsque quelqu'un se lève contre lui, nous, on est avec le dirigeant et on repousse cet individu-là qui se rebelle contre le corps des musulmans. Et on le combat et on élimine son mal qui est fait contre les musulmans pour pas que la parole des musulmans soit divisée. Et il y a dans ça un bien pour tout le monde. Et ça, c'est la croyance du cheikh au sujet de l'écoute et de l'obéissance pour les dirigeants des musulmans. Et c'est la réputation contre ceux qui le décrivent comme étant quelqu'un qui appelait à la rébellion ou à la révolte contre les dirigeants. Hein? Donc ça, c'est pour montrer que ces gens-là, ils font des fausses accusations au sujet du cheikh, hein, et ils mentent à son sujet. Donc, on va s'arrêter ici, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم